Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre horoscope de ce mois d'août 2022. Donc ce mois d'août démarre avec un soleil trigone Jupiter, excellent pour le premier décan des signes de feu qui se sentent pousser des ailes. De plus, nous avons une conjonction Mars-Uranus en taureau qui va donner de grandes envies de liberté et d'indépendance au deuxième décan des signes de terre. Cependant, comme elle est carrée à Saturne, c'est cela pratiquement jusqu'à la fin du mois. Celle va demeurer l'aspect le plus important du mois. Certes, les signes de terre s'en sortent bien pour voir leur créativité, leur courage exacerbé, mais les deuxièmes décans des scorpions, lions et verseaux risquent de se sentir vraiment coincés dans leur vie. Certains dans leur vie affective, d'autres professionnels. En tout cas, c'est pas facile et en général, cet aspect planétaire exacerbé par la nouvelle lune du 28 juillet et par la pleine lune du 12 août nous promet encore beaucoup de violence, de guerre, de révolte, sinon même d'attentats ou de problèmes terrestres. En effet, cette configuration est violente et nous demande de rester calme et circonspect face aux aléas de la vie. Mars, sextile Neptune et Pluton apportent des ouvertures à partir du 11, mais c'est pas franchement suffisant pour apaiser les esprits. Heureusement, ce mois d'août peut être super heureux sur le plan affectif pour les signes de feu, les Gémeaux et les Balances, grâce à Vénus en Lion pendant tout le mois. La part karmique sur l'axe Taureau-Scorpion parle des valeurs. Nos valeurs importantes, fondamentales à ne pas oublier, mais aussi de l'argent, de la récession importante économique en général. Donc, il est important pour nous de garder nos valeurs dans tous les sens du terme et de rester calme, discret, posé et ne pas foncer dans les affres de la violence de Mars-Uranus. Bon, moi je vous souhaite un excellent été, un beau mois d'août, empli d'amour parce que c'est quand même hyper important et je vous dis au mois prochain. Au revoir!